télé, 13h passé de quelques minutes. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Voilà, et bien l'émission de la semaine est bien voici. Nous sommes le vendredi. Voilà donc, et bien. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et donc, on va débuter l'émission cet après-midi avec plusieurs chansons différentes. Juste un instant, vous avez pu entendre tout simplement Mireille Mathieu. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec un morceau de country. Et puis juste après, on écoutera Orsi. Voilà donc, bon après-midi à tous et à toutes. balader. Parfois je les entends, toutes ces voix d'avant. Dans mon sommeil, elles m'appellent. Là à bout portant, aujourd'hui je comprends que si j'avance, c'est grâce à elles. Toutes ces lignes dans mes mains, comme des signes que tout va bien et qu'on se relève à chaque fois. Les alliés, ça va, ça vient, mais ce qu'il reste à la fin, c'est cette lumière là au fond de moi. Forte et fragile, je suis tout à la fois. Je sais d'où je viens et je sais pourquoi. Diamant en moi, plus solide qu'un soldat. Ce qui m'anime me sauvera. Fort et fragile tout à la fois. On m'abîme, mais ne me brise pas. Les vies que l'on chasse pour n'en choisir qu'une d'entre elles. Les certitudes s'effacent, certains liens se cassent, mais nous ramènent à l'essentiel. Assez ligneux dans nos mains, comme des signes que tout va bien et qu'on se relève à chaque fois. Les alliés, ça va, ça vient, mais ce qui reste. Bien, voici donc Georges Guettari avec les amoureux des dimanches. Depuis quelque temps au bureau, la petite dactylo rêvait de promenade. En faisant à son atelier son boulot familier, il rêve d'escapade. Un bon camarade les voit à la paradis tout en chantonnant elle et lui. C'est nous les amoureux du dimanche, moineaux du gai faubourg, qu'en pleine heure et jolie robe blanche, avec du ciel autour, le petit bal dans sa baraque en planche, et de loin nous dit bonjour. Et l'on part enlacé gentiment pour valser sur un air qui sent la pervenche, qu'on aime bien tous les deux. Ah, quel jour merveilleux, le dimanche des amoureux. Profitant joyeusement du soleil, du printemps, de l'amour qui débute. Grisé d'air pur et de chansons, il perd de la raison. Attention, la culbute. On rit, on chahute, puis c'est le retour. Alors, rendez-vous dans 8 jours. pleine, une jolie robe blanche, avec du ciel autour, en rêvant d'une barbe qui penche, et de fleurs et de baisers. On reprend le collier, le bureau, l'atelier, oui, mais on aura sa revanche, quand au ciel merveilleux reviendra pour nous deux. Le dimanche des amoureux, c'est nous les amoureux du dimanche, moineaux du gai faubourg, qu'en pleine et jolie robe blanche, avec du ciel autour, en rêvant d'une barque qui penche, et de fleurs et de baisers. On reprend le collier, le bureau, l'atelier, oui, mais on aura sa revanche, quand au ciel merveilleux reviendra pour nous deux, le dimanche des amoureux. On continue un peu dans ce même style avec André Claveau, le titre s'appelle Marjolaine. Marjolaine, Marjolaine, un minois tout réjoui, un petit bout de nez qui luit, les cheveux sentant bon la verveine. Marjolaine, Marjolaine, de petits vieux polissons aguichant les garçons, voilà tout le portrait de Marjolaine. Marjolaine, Marjolaine, a grandi simplement, sans trop savoir comment, paraît que ça pousse bien la mauvaise graine. Marjolaine, Marjolaine, heureux qui certains jours par ses tendres discours gagnera le cœur de Marjolaine. Cheveux au vent, voici la Marjolaine, vive la ridondelle. Jupon volant, voici la Marjolaine, au sourire bon enfant. Marjolaine, Marjolaine, aujourd'hui sans son cœur inondé de bonheur, au pays c'est la fête foraine. Marjolaine, Marjolaine, s'en va descendre au bourg et pendant tout le jour dansera ou parler d'une aubaine. Marjolaine, Marjolaine, pour trouver un beau gars, y a qu'à choisir dans le tas, les galons ça se trouve à la douzaine. Marjolaine, Marjolaine, oui mais si l'un d'entre eux te réclame un aveu, prends bien garde à ton cœur Marjolaine. Cheveux au vent, voici la Marjolaine, digue la ridondelle. Jupon volant, voici la Marjolaine, au sourire bon enfant. Marjolaine, Marjolaine, a connu le frisson dans les bras d'un garçon qui sut l'embrasser à perdre haleine. Marjolaine, Marjolaine, elle pensait rire un jour, mais ça durera toujours. Croyez-vous qu'elle en eut de la veine. Marjolaine, Marjolaine, sans raison on lui a plu, y a pas de raison non plus pour qu'un jour il lui fasse de la peine. Marjolaine, Marjolaine, car ces petits romans qui finissent gaiement sont nombreux par nos monts et nos plaines. Cheveux au vent, voici la Marjolaine, digue la ridondelle. Jupon volant, voici la Marjolaine, au sourire bon enfant. J'étais partie ce matin au bois pour toi, mon amour pour toi, cueillir les premières fraises des bois. Voici donc Barbara avec ce matin-là. Je t'avais laissé encore endormi. Et puis donc, juste après, on écoutera de l'accordéon. Je t'avais laissé encore endormi. Au lit de notre amour, j'ai pris, tu sais, le petit sentier que nous prenions quelquefois, afin de mieux pouvoir nous embrasser en allant tous les deux au bois. Il y avait des larmes de rosée sur les fleurs des jardins que j'aime l'odeur du foin coupé dans le petit matin. Tiri-ri-ri-ri. Seule je me suis promenée au point. Tant pis pour moi, la lune y était partie. Pour que tu puisses en te réveillant me trouver contre toi, j'ai pris le raccourci à travers champs et bonjour me voilà. J'étais partie ce matin au point. Bonjour mon amour. Voici les premières fraises des pois. Pour toi, mon amour, pour toi. Pour toi, pour toi. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. tu me manques, mon cœur est lente et chante pour que tu sois moins seul chez toi. J'aimerais par la voix des ondes t'offrir mieux qu'un bouquet de fleurs. C'est ma façon de te répondre, de correspondre avec ton cœur. Peut-être en ce moment chez toi, ta solitude tourne en rond. Si oui, alors n'hésite pas, écoute et faire avec moi, comme un ami dans ta maison. J'aimerais qu'elle te porte de chance, que ce refrain sur toi se penche. C'est le courrier que je t'envoie. Mes lettres à moi sont des chansons. Et aussi vrai que tu me manques, mon cœur et moi entre les chantes, pour que tu sois moi seul chez toi. Que ce refrain sur toi se penche, c'est le courrier que je t'envoie. Mes lettres à moi sont des chansons. Et aussi vrai que tu me manques, mon cœur et moi tu les chantes, pour que tu sois moins seul chez toi. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. J'aime à savoir que l'amour s'amuse de nos idées, des pays où nous sommes nés. Quand pour ailleurs nous partons, avec pour seul bien notre nom, il est de là-bas jusqu'ici le plus simple des noms. Écoute, écoute ma voix, écoute au-delà de moi, j'ai un pays. Où se tient dans une parole, où se mêlent nos vies, où se tient dans un regard, on y vend sous ce lit, une tristesse, une joie, qui nous rappelle une enfance, c'est la même souvient des toits. La distance. Écoute, écoute ma voix, écoute au-delà de moi, j'ai un pays pour toi, un sourire est à toi. Dis-moi comment tu t'appelles, je te dirai qui je suis. Nous irons à l'essentiel, ça prendra toute la vie. Enrico Macias, et puis juste après lui, on écoutera Juliette Gréco avec Les Mains d'Or. Ma sourire est à toi, écoute, écoute ma voix, écoute au-delà de moi, j'ai un pays pour toi, ma sourire est à toi, des paroles et des personnes. Infinity.

avec deux morceaux de country. The other way, but my car drove me down today to a little house on the older side of town. Back when things were never hard, I used to play there in that yard. I just drove by to see if things had changed. Cokes were just a nickel then, and across the street at 5 and 10, a lot of things were cheap. wonder now if love is still the way it was back then. I need to know that life is still a place worth living in. There is, just like it was, a house where there was always love. I just drove by to see if things had changed. Chillin', we'll frolic and play the Eskimo way, walking

toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc, ben, je vous laisse avec Laurie Gay, Bob Marley et Jimmy Cliff. I'm gonna bien, Jimmy Piff, le titre s'appelle Reganite. S'appelle Priscilla et son titre, tout simplement le titre, Le ciel de mes rêves. Yeah. ciel, un amour de la femme. Retour avec le country, puis juste après Michel Tello. Once I made a promise that I never lead you on, but I feel they yearn to love you, even though I know it's wrong.

Céline, celle qu'il aimait tant. Elle n'aimait que lui depuis 62 ans. La regardait, pas besoin de mots. Ses yeux lui disaient, ne tarde pas.

les compagnons de la chanson, le titre L'amour est bleu. Ouh, l'amour est doux, douce est ma vie dans tes bras. Lorsque tu t'en vas, gris, gris, le ciel est gris, tombe la pluie quand tu n'es plus là. Comme l'eau qui court, moi mon cœur court après ton amour. Elle est bleue lorsque tu reviens. Bleu, bleu, l'amour est bleu. L'amour est bleu quand tu prends ma main. Fou, fou, l'amour est fou. Fou comme toi et fou comme moi. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Le titre s'appelle L'eau vive avec Guy Béard. Ma petite est comme l'eau. Elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, au pays des olives. Venez, venez, mes chevrons, mes agnelets. Dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour l'amener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Emporté par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. Vous vivenez, portant un matin nouveau. À l'aube, mon ovide viendra battre son trousseau au caillou de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeure esselé. Le ruisselet au large s'en est allé. La pluie, et c'est Hélène Segarra. Fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Lucienne Delisle avec tout simplement Le jour de l'amour, et suivi après de Marie Jourdé. Ma chanson commence ainsi, sur un air de bal fleuri. Aurora me semait, le printemps chantait, et mon cœur battait, battait. C'était un jour d'amour, c'était mon plus beau jour. Comme un jardin de promesses, j'invitais ma jeunesse au tourbillon d'allégresse. C'était un jour d'amour. Mais le bal des corps contents ne peut pas durer longtemps. On offre un bouquet, on trouve un regret. C'est le mal que tu m'as fait. C'était un jour d'amour, comme il en est toujours. Quand le chagrin se promène au milieu d'elle, des mots d'amour, des mots plus tendres qu'un poème, qui font comprendre ton discours au plus subtil comme au plus sourd, le doux secret d'un cœur trop lourd, se ferait bouquer des beaux jours. Je l'ai fait pour celui que j'aime, bouquet de soie et de velours, où mon cœur exhale à son tour, parmi tes fleurs, tes mots d'amour. Ne questionnez plus les savants de vin, les voyantes, qui sur l'inconnu prononcent des mots superflus. Respirez plutôt, tendre et chaud, de troublant parfum qui demain saura vous charmer. Si vous m'aimez,

canal. Ah, jusqu'au petit jour, les chansons de l'eau, des millions d'étoiles. Un carnaval d'amour, oh, où tu conduis le bal. Ah, et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. La peine, le pont des soupirs, mais un seul je t'aime m'a rendu le sourire. Un carnaval d'amour, oh, la nuit sur le canal. Ah, jusqu'au petit jour, les chansons velours. Des millions d'étoiles, un carnaval d'amour, oh, où tu conduis le bal. Ah, et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. On s'endort, toi et moi, sur des sérénades. Que dans quelques heures on s'en revivra. Un carnaval d'amour, oh, la nuit sur le canal. Ah, jusqu'au petit jour, les chansons de l'eau, des millions d'étoiles. Un carnaval d'amour. Ah, et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Bon, donc, ben, je vous laisse avec le country, mais bientôt lors de ce quitter. Voilà donc bientôt 16h, donc eh bien l'heure bientôt terminée. On va se retrouver donc la prochaine émission. Donc voilà, donc à partir de 19h, ben, je vous laisse avec Anne-Mégo pour son émission à partir de 19h. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous, c'est vous toutes, et voici tout simplement deux titres de country. ici. Petit peu de moi, et oui, je te drague, mais je ne meurs pas. comme tu préfères. Parler pendant des heures, même t'offrir des fleurs. Mais que faire pour avoir ton numéro de téléphone? Faut dire à ta maman qui répond quand je sonne. Bimbo à moi. Bimbo à moi. Si tu continues à m'ouvrir comme tu m'ouvres, faudra bien que tu prouves ton nom. Mais si tu prouves, pourquoi pas faire un tour dans ma bagnole à moi? Il faut juste qu'on s'arrête pour acheter des lucis quoi. Bimbo à moi. Bimbo à moi. Mais est-ce qu'on se lovera? Seras-tu ma femme? Et est-ce qu'on se rappellera? Qui sera? Arc-en-ciel 96.2 La FM, la FM en couleur. Et maintenant, un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées. De flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit. De vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge, saignée sur l'espoir. Acier rouge, avec mes mains d'or, travailler encore, acier fort. À ciel rouge. Mas também 96.2. La FM en couleur. Le jour où je l'ai rencontrée, dans une de ces soirées, j'ai même pas pu la regarder, tellement ses yeux me brûlaient. Alors je lui ai pris la main, les yeux, le corps et les seins. Elle me dit, fais-moi du bien. Je lui dis oui, sans problème. Dans sa chambre, on est allé, sous les draps, on s'est glissé. Il a fallu me ranimer, dans ses yeux, je m'étais noyé. Et elle se serre tout contre moi. Je me crois au cinéma, je me prends pour Cary Grant. Et puis on éteint la lampe, j'ai perdu la tête. Depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison. Chaque fois que je vois Suzon, j'ai perdu la tête. Depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison. Chaque fois que je vois Suzon, je ne fais que d'embrasser. Cette fille-là me fait rêver. Elle a vraiment quelque chose, ça lui vient sûrement des roses. Un seul de ses baisers peut suffire à enflammer le cœur de l'humanité ou les gars de mon quartier. Elle a un petit goût d'orange, de miel et de chocolat. Elle adoucit mon errance, avant je n'existais pas. Toute la salive que j'use pour me donner de l'éclat. Elle a pas besoin de ça, m'amuse. Mettre le monde dans les mois, l'amour est la vérité, l'ivresse et puis la beauté, tout ce qu'en vain j'ai cherché, dans ses yeux je l'ai trouvé. Ouais, j'ai perdu la tête, depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison, chaque fois que je vois Suzon. Autour d'un petit café crème, sur un des quais de la Seine, dans le froid du matin blême, un jour je dirai que je l'aime. On partira tous les deux vers un monde merveilleux. Le ciel sera tout orange, on sera deux petits anges. Dans une chambre au sixième, je lui lirai des poèmes. On s'aimera sans travailler, je peux car je suis fou allié. Elle est celle que j'attendais. J'ai 15 ans passé, c'est elle que j'imaginais dans mon lit quand je m'ennuyais. Maintenant je la suis partout, plus fidèle qu'un toutou. Elle veut jamais s'arrêter, je sens bien que je vais craquer. J'ai perdu la tête, depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison, chaque fois que je vois Suzon. Ouais, j'ai perdu la tête, depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison, chaque fois que je vois Suzon. Ouais, j'ai perdu la tête, j'ai perdu la tête, j'ai perdu, ouais, j'ai perdu la tête, oui, j'ai perdu la tête, depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison, chaque fois que je vois Suzon. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Canela. 96.2. La FM en couleur. Ela disfarça cá fora e dá no pé. Ela mexe comigo.

ou nous envoyer vos CV à l'adresse suivante recrutement@normielec.fr. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.